Prince d'Arabie. Prince d'Arabie. Prince d'Arabie. Approcher plus, un beat de plus, un maquis, mon accent comme petit plus, mon flow rafale cortas qui fuse bien claqué. Braquer les projecteurs sur l'imposteur, déguisé, traqué de près, matraqué de pression verbale sans string à craquer. Viser juste pied, tête et buste, j'booste, bombarde mes vérités, donc laisse place au prince Alimous. Quoi, il parle de notre art comme étant mort, Alimous. Confonde business et rap, tu veux de la bombe, écoute, découvre. Demande qui c'est le boss à l'ouest. Dessous le choc, à nouvelle donne, pas de faute de frappe qui peut contester. Pas de changement de cap, baissage sur l'ouest, j'garde ma ligne conductrice que du sarsa. La rime sincère, destructrice. Fédératrice à l'occasion, loin de représenter juste un matricule, mais plus une région, une raison, une nation. 2004, j'enfonce le clou, pose ma bombe dans les bacs. Nouvelle dans mon staff pour confirmer mes d'accord, ceux qui stade. Party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le trop, maintenant pas touche dans leur net. Hey, party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le trop, maintenant pas touche dans leur net. Une nouvelle tuerie dans les packs, ressent l'asphalte, stylo aiguisé pour style tranchant sur fat, pit patate. Concentré de gouache seul pour recentrer le débat. Trop de foutage de gueule et pas amoureux du bep du père dans leur single. Hey, faut faire du rap quoi, le truc brut qui vient des tripes explicites. Le rap français c'est pas du patois. Mon trip clair limpide au tendancieux, jamais affilié ce qu'on semble sexé. Pour tout le monde, personne en particulier. Hip hop, hip hop, mais qui baisse son froc pour quelques pièces dans ce business fait fuck. Et hey, faut le dire, ils ont vendu père et mère, voir toute la famille pour un kilo de tomates. Maintenant ils crient toute famille. Ça t'arme est cher, précieux, mais je dirais pas vital. Donc j'ai mis du cœur sur la tapose, mes parties génitales. Official, mais dark style, l'eau à la bouche et diction pimentée. Mix de barbarie, de subtilité pour tout agrémenter. Party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le trop, maintenant pas touche dans leur net. Hey, party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le rojo, maintenant pas touche dans leur mer. J'mange pas tous les râteliers, j'ai su rester compact. Sauvegarder l'essentiel, amour propre, dignité intacte. Impact, impact, façon P-R-I-N-C-E. Mourir debout, vivre à genoux mes yeux, le choix est pernicieux. Ouvre les yeux, tends une oreille, j'te mets face à tes contradictions. N'ouvre pas la bouche, évite nous la déjection. Infection de tous mes sens, partant de questions, de réflexions. De monde dans la bouche d'adulte en pleine crise d'adolescence. Quelle essence du ridicule. Tant d'MC sans aucune personnalité, postule au poste pour être le boss qu'on accule. Fabule, fabuleux destin, merdé qu'en réalité. Tout dans le calcul, c'est malheureux, mesquins sont pleins de famille. Banalité en banalité, sanction du public. Concept foireux, l'on peut visiter. Est-ce le bisou l'artistique? Je reste pas tout si tu m'éniques. Prépare une arrivée loyale. Prête lettre en or massif, gravé sur le pavé, c'est royal. Party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le trojo, maintenant pas touche dans leur net. Hey, party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le trojo, maintenant pas touche dans leur net. Party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le trojo, maintenant pas touche dans leur net. Hey, party boy, laisse passer le boss, un vrai rap, coup de gorge, les MC finissent dans la fosse. Combien sont venus chercher le trojo, maintenant pas touche dans leur net.